pas ici, toi. Arrête. Faut pas toucher à ça. Pourquoi tu m'as pris la chaise là? T'es peur là, hein? Youh, j'ai envie de m'enlever les pieds là. Descends! Bah descends! Quand même que pour une fois, c'est le papa qui va te changer. Hop là. Hein, papi. Aussi, aussi, aussi, aussi, aussi, aussi, aussi. Si. Hein, Stéphane, c'est papa qui doit te mettre le pyjama. Tu vas, oui. Tu viens? Fais la course avec papa dans le couloir. Hop là. Maman, il est poté. Quoi? Oh, pas poté, hein. Ça suffit, hein. Tu vas pas vite, toi, hein. Où tu vas maintenant? Où y va Stéphane? À dodo. Au dodo, oui. Portez. Encore trois fois maintenant. Alors, une. Mais je connais pas les premiers mots, Stéphane. Brustoliano. Allez. Brustoliano. Après, je ne sais plus. La touche là. Et puis la suite. Après. Allez. Tu l'as chanté tellement bien, putain de. Allez, recommence dès le début, comme ça les autres mots ils reviennent tout seuls. Brustoliano. Brustoliano. C'est pour ça qu'il faudrait plus la chanter en entier. Vas-y, ça fait l'enregistre là. Allez, recommence encore une fois. Tu la chantes, vas-y. Encore une fois maintenant, allez, je commence à savoir un peu. Allez, encore une fois. Allez. Mais là, on va juste enregistrer. Eh bien, ça fait rien. Ce qui n'est pas beau, on peut l'enlever, tu sais, sur une cassette. Allez, vas-y. On commence en une fois. Brustoliano. Brustoliano. Lass touch la. Hörst du nicht die Glocken?